Thierry Vieville, bonjour. Donc on est à Futur en scène aujourd'hui, juste avant l'Agora organisée par la FIM sur les enjeux de la recherche et le numérique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Chercheur INRIA, je travaille en neurosciences computationnelles, c'est-à-dire ce qui est dans le cerveau peut être modélisé avec de l'informatique, computer science, et des mathématiques. Ok, alors j'ai une question pour Hack Your PhD. Qu'est-ce qui, pour toi, le point majeur qui ne va pas dans la recherche aujourd'hui ? Dans la recherche en sciences du numérique, c'est le fait que nous n'avons pas appris aux citoyennes et aux citoyens un peu d'informatique à tout le monde, alors que nous l'avons fait en sciences physiques au moment de l'ère industrielle. Et là, en pleine époque numérique, on laisse les gens consommer sans leur donner les moyens de comprendre comment ça marche. D'accord. Et une autre question, vers quoi tu aimerais que la recherche tende ? Alors, la recherche, qu'elle continue son boulot. Mais moi, ce dont je rêverais, c'est que ce plaisir qu'on a tous les jours à aller à un métier qui nous plaît, faire un truc super passionnant, qu'on puisse plus le partager avec les gens. Et donc, tu as des moyens, des solutions pour le faire ? Oui, je propose que chaque chercheur consacre une journée par an à faire de la médiation scientifique, science outreach, j'utilise le mot anglais parce qu'il est mieux défini. Et comme ça, on va vraiment partager avec les citoyennes et les citoyens, mais dans les deux sens. On va aussi apprendre d'eux quelque chose et construire ensemble une culture scientifique en sciences du numérique. D'accord. Et tu penses qu'une journée par an, ça suffirait ? Une journée par an et par chercheur, ça représente 1% de nos ressources parce qu'il y a tout ce travail qui se fait autour. Ouais. Et je pense que c'est un bon dimensionnement. Côté INRIA, cet institut de recherche en informatique et automatique, on est environ à la moitié, au quart de cela à peu près. Et si nous doublons, nous quadruplons, eh bien nous allons vraiment impacter la société. C'est des milliers d'enfants qui, tous les ans, vont entendre parler de sciences du numérique. D'accord. Donc, mise en relation directe entre chercheurs et... Oui. Il ne faut pas déléguer à des porte-paroles la culture scientifique. C'est un devoir de chercheur d'aller le faire sur le terrain. OK. Des intermédiations. Parfait. Merci beaucoup.